Hello world! Exigenes! Hey! I want to invite you to our big concert! International! Поехали! Exigenes! Ho! Ho! Go to Mashupka! 1, 2, 3, 4, now it's an insane! To our mashupka, we have never gone. Never gone, yeah, we have never gone. But now we are going, but now we are going. Now we go and we are singing songs. To our mashupka, we are going. To our mashupka. And sounds to our mashupka and to Napoli. To our mashupka and to Napoli. To our Napoli and our mashupka. Yeah, we go and we are singing songs. Tararai, tararai, la la la la la la la la la. Tararai, tararai. La la la la la la la la la la. Avec nous allons sur le chemin trop long et absolument rien nous reconnaît. Nous allons. Nous allons et nous chantons une chanson. Avec notre mashupka. Avec notre mashupka, chantons chanson avec notre mashupka et avec Napoli, nous allons et nous chantons chanson. La la la la la la la la la. Da ha ha hi. Da ha ha hi. La la la la la la la la.